en Inde, là, tu vois, j'ai une petite amie, elle a passé un an dans une université indienne, c'est elle qui m'a raconté, j'ai des lettres d'elle de 7 pages où elle me parle des citrons. Elle m'a dit, on nous a fait étudier Fanon en Inde, alors qu'en France, on ne le regarde pas plus en Europe. Che le caillou de la e buonasera ad un altro personaggio che chiamiamo, anzi che si fa chiamare Fantasio. Lui è parigino. Oi, skinheads from London, talking to ye. When you think that punk movement is dead, it's still made by the sweet little real. Que le moindre clocher sonne le glas d'alarme, que chacun sous son toit se dresse avec ses armes, que tout tameau lointain... Pédon! Pédon! Allô, Pédon! À qui vous voulez parler? C'est psychédélique, ça? Non, c'est Rénal Gagné. C'est psychédélique, ça? Non. Non, attendez, à qui vous voulez parler, madame? C'est psychédélique, ça? Non, c'est Rénal. C'est psychédélique, ça? À qui vous voulez parler, madame? C'est psychédélique, ça? Non. Non, c'est pas psychédélique, ça. C'est Rénal. R-A-Y-N-A-L-D. C'est psychédélique, ça? Bon, OK. Alors, que le moindre clocher sonne le glas d'alarme, que chacun... sous son toit se dresse avec ses armes, que tout hameau lointain vierge de l'étranger couvre au-devant du flot qui veut nous submerger. À la petite école! À l'école classique! L'école classique! Hey, ça nous trahit, hein, madame, l'école classique? À l'école classique, on nous montrait, on tentait de nous faire comprendre. Sinon, ben, ils prenaient un clou puis un marteau. C'est ça. C'est frappé dans la connaissance générale. Là. Submergé, ils Non, mais c'est submergé ou c'est comme concave ou convexe. Là, on est entouré de concave actuellement, là, depuis, en fait, depuis très longtemps. Et si vous avez remarqué, si vous êtes des habitués de mon émission, il y a des mots qui se répètent. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être ben, dans les... c'est pas mes gènes, mais sans gènes. Je suis un Rénal sans gènes. Rénal, entre guillemets, sans gènes gagné. À l'université, j'écrivais mes textes parce que j'étais en création littéraire. Imaginez-vous, c'était épouvantable. Oh non, épouvantable parce que j'osais des choses. Alain, lui, osait avec Joséphine. Joséphine, qui est le prénom de ma grand-mère. Tu savais pas, Raymond? Voyons donc, toi! Raymond Tremblay! C'est psychédélique, ça? Non! Il est parti! Il est parti prendre son Beauvril! C'est psychédélique, ça? Oh, on vient de faire une publicité. on s'est mis dans la chenoute. Ah, mon dos! Que le moindre clocher sous le glas d'alarme, que chacun sous son toit se dresse avec ses armes, que tout hameau lointain vierge de l'étranger couvre devant du flot qui veut nous submerger. Oui, c'est submerger ou merger. Que tout homme jaloux d'une sœur, d'une femme, ayant à lui son camp et sa fierté dans l'âme, que tout chef d'une race, tout enfant pieux, qui sait sous quel gazon reposent ses aïeux, jurant de recouvrer cette place usurpée, frappe un coup de sa faux. Ça faut pas la chanteuse, ça faut, là, la... pas juste chanteuse, non, je veux pas la réduire. Ah, non, non, non. Et jamais réduire un artiste. Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Raisons intellectuelles. Nous ne sommes pas confinés. On est ouvert à tout. À tous. À la grippe et au rhume. À tous. Non, OK. Je sais. Non, non. Mais j'ai le droit, moi. C'est mon émission. C'est mon spectacle. Puis je remercie CKRL de me laisser faire mon spectacle pendant 2 heures à cet instant précis où nous croisons. Parce qu'il y a des auditeurs qui sont confiés à leur psychologue et qui sont confiés aussi à l'émission Errance Rénaldienne. Je vous remercie d'être au radio, dans la radio. Non, mais moi, je suis dans la radio. Vous, vous êtes en dehors de la radio. C'est pour ça, là. Hey, attention, quand vous êtes à l'intérieur, emprisonné dans un circuit médiatique, dans un espace médiatique, dans une structure, dans un... Hey, ça, je vais vous le dire, madame. Dans un système. Le système. Il faut toujours être dans le système. Hein? Système médiatique, système télévisuel, système santé. Moi, mon système, madame, j'ai... Non, mais j'ai changé mon... j'ai changé mon système, moi. Ah, ouais. Là, je mange plus aux mêmes heures, donc je laisse évacuer à des moments imprécis. Je me laisse suspendre, non. Non, mais j'adore me faire surprendre. Par tous les... par tous les angles qui me décomposent et me composent. Mais aujourd'hui, qui me compose et plus tard me décomposera. Parce que là, maintenant, on peut se dire, nous sommes d'un seul bloc. Et ce bloc-là, là, un jour, va se désarticuler, va cesser de battre, de vivre. Et quand tout ça va arriver, va commencer la dégénérescence. Va commencer le moins 1, moins 2, moins 3. Moins 4. Avant, on était dans le plus, là. Mais quand tu arrêtes de vivre, de respirer, tu tombes dans le moins. Tu tombes. C'est beau de tomber à un moment donné, là. Moi, ça me fait penser le film de Vertigo. D'Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock. Non, Spock. Alfred Spock. Dr. Spock. Mark Spock. Spock. C'est pas ordinaire, ça, là. C'est pas écrit dans les livres, là, ce que je viens de dire, là. Puis, heureusement, sinon, nos enfants seraient trop instruits dans un autre système, un autre environnement, une autre compréhension de la vie. Parce que là, ce qui plaît aujourd'hui, et de plus en plus, c'est ce qui rejoint, c'est ce qui restructure, c'est ce qui amalgame l'individu dans un même amas. Serge Amas, le chanteur Serge Amas. Bon, l'amas, Serge, En tout cas, il y a plusieurs Serges, là. Il y a Lucien aussi, puis il y en a d'autres. Et puis, on y va. Non, mais... Vous avez... Madame? Je... Madame... Allô? Oui? Madame Brisebois? Bon. On nous offre même pas, on n'a pas le choix. Avez-vous le choix, vous? Ah oui? Ah ben écoutez, vous êtes plus avant-gardiste que moi. Comment ça vous dites oui? Comment pouvez-vous l'être? Êtes-vous... On va commencer par le début. Êtes-vous un être vivant? Identifié? Vous êtes identifié où, vous? Oui, c'est ça, mais ça, vous dites toujours oui, hein? Voulez-vous me marier? Me donner toute votre argent? Me donner tout votre argent? Vous n'avez pas une maudite sienne? Ah oui? Vous avez eu 3 maris? Vous êtes arrangé pour les calanchés, hein? Calanchés, madame. Calanchés. Lancher dans le vide. Après, elle a pris ses maris et elle les a tirés dans le vide. Ça, c'est une belle méthode, ça. Ça, c'est l'appât du vide. L'appât. Quand tu vas chercher de la truite, au bout de ton absence, tu mets quoi? Tu mets un beau. Tu mets un beau oui. Ben oui, c'est un beau oui. Un David Bowie, c'est toujours apprécié. Surtout, ça. Ce qui est intéressant dans l'œuvre de Bowie, madame, c'est que tu peux écouter les albums. La discographie, on parle de discographie après un âge aussi avancé. M. Bowie n'entend même plus à rire, là. Isabelle Adjani disait « Bowie comme Bowie ». Là, je me rends compte que je postillonne sur mon clavier, que je viens de nettoyer. Pas un clavier, c'est même pas un synthétiseur, c'est un... C'est un manche à pitoune. Comme tous les manches, ça attire la pitoune. Quel manche n'attire pas la pitoune, monsieur? Bon, il rit. Regarde-moi ça, le grossier personnage. Ah, OK. Alors, que le moindre clocher sonne le glas d'alarme, que chacun sous son toit se dresse avec ses armes, que tout hameau lointain vierge de l'étranger couvre au-devant du flot qui veut nous submerger, que tout homme jaloux d'une sœur, d'une femme, ayant à lui son chant et sa fierté dans l'âme, que tout chef d'une race ou tout enfant pieux, qui sait sous quel gazon reposent ses aïeux, jurant de recouvrer cette place usurpée, frappe un coup sur sa faux s'il manque d'une épée. Je vais la reprendre, celle-là. Frappe un coup sur sa faux s'il manque d'une épée. Et certes, nous verrons ces torrents d'ennemis, des villes et des bourges promptement revomis. Et nous... c'est là que je n'ai pas pratiqué ça. Et nous redeviendrons d'insultés que nous sommes, libres, maîtres chez nous, comme il sied à des hommes. C'est un texte, un poème patriotique de Victor de la Prade. Mais là... 1910, avant de partir, là. Parce que quand je fais des impôts, je pars, moi, là. J'arrive où? J'en ai aucune idée. Mais j'arrive quelque part. On prend toujours l'impôt pour quelque part. Ouais. Et ça, Victor de la Prade, 1812-1884. Rapidement comme ça, là, il est mort à 72 ans. À cette époque, c'était quand même assez vieux. C'était comme nos pépés puis nos mémés. Qu'à 104 ans, là, on peut encore décider de partir. Pépé? Pépé? T'es plus aussi pépé, pépé? Dis-moi, parce que là, je veux baisser la réverbération. C'est quoi, c'est ici? C'est ici, c'est là, c'est là, c'est ici, c'est ici. Dis-moi non, mon pépé. Non, ça change rien là-dessus. Dis-moi non. Dis-moi non, mon pépé. Toi qui es moins pépé, ben... Il me semble que, selon moi, tu es plus pépé que la majorité de nos citoyens. Bon. T'as-tu peur qu'on t'a oublié, mon pépé? Si oui, écoute, il y a des moyens. Il y a des... Non, il y a... Faites-vous-en pas, madame. Ben, voyons. Non, mais quand on veut que les extraterrestres, hein, les ovnis, l'univers paranormal, un univers, les univers paranormaux, normaux, ai-je l'air normal, mon normaux? Dormiez-vous? Il dormait. Vous dormiez? Avant de vous endormir, sonnez les matines! Sonnez les matines! Ding, ding, dong. Non, mais c'est important de savoir que Victor de la Prade est né. Oui, il est né. Il est né, le divin la Prade, chantez bas ongles, les boulettes. Connaissez-vous les boulettes, madame? Oui. La ciboulette. Mais je sais pas pourquoi on l'appelle la ciboulette. Parce que moi, c'est pas un ragoût, ça, là. C'est un... Ah, la ciboulette est un ragoût? Mais, vous voulez faire un gag, hein? Oh, vous êtes une blagueuse, là. Comme on les aime, là. Oh. Est-ce qu'on vous aime? Quoi pour votre charme? Et monsieur, vous avez changé d'octave, hein? Oh mon Dieu! Vous attendez votre mari? Il est presque. Il est minuit 22, là. Vous vous faites tromper, madame? Non. Par votre. Ben oui, ben je vous dis, c'est plus la mode aujourd'hui, là, d'acheter du lait par le laitier. Le laitier, allez dans des épiceries. Les épiceries ont du lait. Ondulé, pas dans le sens d'ondulé, là, mais moi, et ça dépend à quelle heure. Moi, j'étais à 4h30 du matin, là, ça ondule l'enceinte. Ouais, voyons donc, ouais, wow! Hey, tu regardes, c'est comme un tableau. Un tableau surréaliste, là? Non, je suis pas sur ta liste, madame. Oh, j'ai jamais été sur aucune liste, moi. Sauf la liste de ses querelles. Oh, c'est beau d'être sur... Mais moi, ça, c'est ma fierté, ses querelles. C'est quoi? Vous... Oui, oh mon Dieu. Non, mais pour moi, là, c'est vraiment... Puis, on me parle souvent ta radio. Ma radio, tu sais, je peux comprendre là, que j'ai mon micro parce que je l'ai acheté. Tu sais, j'ai mon synthétiseur, j'ai ma machinerie, mais c'est quand elle. C'est notre radio. C'est pas ma radio. C'est quand même intéressant. Là. Quand tu te places à un moment donné à la réflexion des mots. Mon Dieu, vous êtes heureuse, vous? Bon. Vous aimez la vie? Ben oui, même si les gens sont assassins. Et qu'est-ce que c'est quoi la chanson? Les Mistral gagnants? À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder le temps qui s'en va. Walking about the world of being, c'est des blessures. Il a bouffé des poules. Hein? Des pigeons. Et là, les pigeons sont partis, là. Excusez-moi. Il a bouffé des pigeons, des boules de faux. Le voir des blessures, certes, des médules. Votre assassin vient venir et nos enfants. Hey, puis je peux pas vous quitter à la musique parce que c'est mon grand ami. J'ai juste des amis artistes dans la vie. Les autres, je les ai enlevés. Puis si c'est d'autres, c'est des êtres un peu plus commerciaux. les aides commerciaux, aide commerciaux, trivial, petit pot, petit pet, pan, la palette. Bon, OK. C'est le congélateur industriel. Puis là, c'est le pire, là, c'est que ça s'est passé hier. Puis c'est vrai. Dans mon émission, c'est toujours il y a 72 heures, il n'y a pas très longtemps, là. Dans les deux jours, là. Mais c'était hier. Je ne sais pas l'heure, là. Quelle heure est-il réellement, là? Mais bon, vous allez me dire, il est minuit 26. Je le sais, là. Mais au moment où je l'ai enregistré, l'émission, bien, je sais, je ne suis pas enregistré, c'est en direct, c'est KRL. Appelez-moi, vous allez voir. Je ne répondrai pas parce que j'ai mal au fin de la retraite. Ben, m'a oublié d'expliquer mon con. Hey, il y a un type que j'ai rencontré lorsque j'étais un travailleur solitaire et heureux au 355. Là, en tout cas, 355 sur la planète. J'ai travaillé au 355 planétaire, oui. Appartement zéro. Au sous-sol. Puis l'album Sous-Studio de Phil Collins m'a rentré dans le cœur, puis pas juste dans le cœur, m'a rentré dans Amande, où je fais du mot depuis 3 semaines. Et puis, c'est quoi? Pardon? C'est soi. C'est soi-même qu'on est heureux. Oui, c'est avec soi-même qu'on est heureux. Oui, vous avez vous dites tellement de belles affaires, vous, là. Là, j'ai comme la larme à la papille, et la papille très gustative. C'est salé. Ça allait danser. OK, on arrête ça là. Mais c'est que hier, c'est tellement vrai, je suis tout excité comme un caniche qui court après sa queue, mais qui en a plus. Parce qu'ils l'ont coupé. Ça fait beau, hein? C'est esthétique. Il a souffert en tabarnak, mais c'est esthétique. Pas grave, c'est un animal. Un animal. L'humain aussi, hein? Oublie-le pas, mon petit cote. Oublie-le pas, mon petit torchon. L'homme est un animal, aussi animal qu'un chien. Là, il y a le mort. Les grands sapeurs-pompiers vont dire, ben oui, mais il y a la hiérarchie. Les gens connaissent très bien, si vous êtes un auditeur fiable à CKRL et surtout à Errance Rénaldienne, que ma vision de la hiérarchie est tout à fait psychédélique. Alors, je me suis fait coincer, parce que là, il faut que je raconte ça en combien de minutes? On en parlera la semaine prochaine. Ah oui, parce que je peux pas laisser ça là-dedans. Là. Mais je me suis fait enfermer dans un sarcophage congelé. Ah oui, il y a des gens qui disent... T'étais chanceux. Non, pas gelé dans ce sens-là. Là. C'est gelé comme dans un congélateur. Bon, OK. Alors, on reviendra là-dessus. Monsieur le Président, monsieur les patrons, non, mais il faut revenir. Il faut revenir si on veut pas... Comment tu dis? La concision a sa place dans certains milieux, dans certaines façons de raconter, mais dans la mienne, non. Je peux comprendre que Jean-Marc Parent, un humoriste québécois, faisait des spectacles. Mais, non, mais j'aime bien dire comme tweet média, là, tous les renseignements. Là, Jean-Marc Parent, humoriste québécois. Parce que si des Australiens nous écoutent en visite au Québec, parce que là, c'est le moment de faire du ski, de patiner, de faire des activités récréatives extérieures. Oh mon Dieu. Moi aussi, il n'y a pas de soupe à l'oignon. De bons petits vins rouges, puis d'un petit foyer, puis une petite... Pardon? Oui, une petite... Oui, une petite... Oui, on y en a, ça va avec, là. Hein? Ça, c'est la chanson du petit... Vous voulez que je le fasse, le chat? Va le faire, le chat. Bon. Monsieur le Président, on aimait aussi quand je faisais le fuck. Mais ça, vous avez pas. Non. Cette semaine, là, on m'a appris que vous avez vraiment pas été très gentil. Monsieur le Président, Monsieur le Prêtre catholique, Mesdames les Voluptés et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. On va sauter des pages et non pas des. Aujourd'hui, le vendredi, et ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est parce que nous sommes le 22 janvier 2016. On le savait! Tu ne nous apprends rien, toi, là, là. C'est... Allô, madame? Est-ce que vous saviez qu'on était au mois de janvier? Puis la date fonctionne-t-elle avec votre horloge biologique? C'est bien parce que aujourd'hui, on peut fonctionner avec des horloges biologiques. La biologie est partout, et tant mieux. Donc, je répète pour les gens qui étaient absents pendant quelques semaines, pendant 22 jours, nous sommes le 22 janvier, réveillez-vous! C'est le temps de faire partie du rouage économique! On a besoin de vous autres! S'il vous plaît. C'est bien de dire « s'il vous plaît » dans toutes les circonstances. Excusez-moi, je suis le fisc. Vous nous devez 1 500 000 $ et 28 cents. S'il vous plaît. C'est important, s'il vous plaît. Aujourd'hui, parce que là, sinon, le « s'il vous plaît » va vous partir. Puis si le « s'il vous plaît » vous part, vous allez ressembler à certaines fonctionnalités que les Indiens utilisaient, c'est-à-dire le scalp. Mon amour vient dans les scalps. Tu vas voir ces chansons-là. Tu vas voir si la musique est de mes goudi goudi. 22 janvier 2016. Errance Rénaldienne présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Hein, quand même, scalp. Dans le sens de... pas dans l'autre, là. Il n'y a pas d'humour là-dedans, là. Il n'y a même pas un brin d'humour, là. plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons surtout pas, il n'y a pas aucun lien d'humour, de brin d'humour. Laissons sur la chaussée les visites trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciblo. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un environnement narratif, unissons-nous autour et partout, pour lui faire plaisir, pour nous faire plaisir surtout, parce que pendant l'émission, la totalité de l'émission, ben, ce sera de la musique consacrée à mon ami Paul Pechnard. Oh oui, à partir de maintenant, là, tout ce que vous allez entendre, c'est du Paul Pechnard. C'est un membre fondateur du groupe Dogs. C'est un groupe mythique. Vraiment dans l'univers punk, là. Mais il a été là. Pardon? Il a été là. Non, il a été là. Oui, il s'est levé du lit à un moment donné. Il l'a pris, il l'a mis sous son bras et il a quitté le groupe, les Dogs. Qui se dissout. Dissout. Mais moi, écoutez, les scènes, ça n'existe plus. Hein? Dissout, ça prend 10 scènes noires. Fait qu'une 10 scènes noires, c'est une petite blanche. Encore là, c'est raciste, hein? C'est comme le piano, c'est raciste, tout est raciste. Ah, mon Dieu! Qui se dissout en 2002 à la disparition de Dominique Laboubé, qui était la tête dirigeante. Et puis ensuite, mon ami fait ses débuts dans les années 90. Il écrit et compose ses propres morceaux et sort en 2000 son premier album éponyme, qui est la parenthèse décalée de son parcours. Sa démarche est précise et se concrétise dans ses deux albums suivants. « Été comme hiver », c'est ce que nous allons entendre dans les deux prochaines semaines, sorti en mai 2010, et « Vagabond », sorti en 2013. Un nouvel opus est disponible maintenant, mais lorsque j'ai fait l'enregistrement de l'émission, je ne l'avais pas en main. Paul a tenté de me l'envoyer, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais ne vous en faites pas, dans les prochaines émissions d'Errance Rénaldienne, nous entendrons son nouvel opus qui est sorti depuis quelques semaines.

Et là, ce que tu t'es mis à écrire, tu n'as pas de formation en littérature, donc tu as appris à écrire sur le tas, peut-être ton journal de bord ou, Alors l'écriture, c'est une chose particulière pour moi. Donc, pendant une période très longue, j'ai énormément lu. J'ai plein de bouquins, plein. Lesquels? Bah, tout ce qui me tombait sous la main. N'importe quoi. Oh ben, peut-être pas n'importe quoi quand même, mais je sais pas, moi j'aimais bien lire les pièces de Brecht ou bien j'aime bien lire Dostoïevski ou bien Caldwell ou bien Italo Calvino ou enfin bon des trucs, je sais pas si c'est un peu classique mais... As-tu fini parce que tu sais quand on est jeune, surtout quand on se lance dans la musique un peu plus rock and roll, as-tu fini ton bac ou si tu t'es consacré à la musique? Ah bah avant. Oui, alors bon, t'as fini ton bac? Ah bah avant, ouais. Ben, j'ai commencé à jouer avec les Dogs juste après avoir mon bac, quand j'avais 17 ans. Mais ça faisait déjà 3-4 ans que mon occupation principale, c'est jouer la guitare. Et quand tu étais étudiant, est-ce que tu te greffais à la littérature? Étais-tu un curieux de nature? Alors, non, la littérature, j'ai beaucoup lu pendant une très grande période. Pourquoi? Parce que tu voulais apprendre, tu voulais... Ben, parce que j'aimais bien, si tu veux. Pour moi, les auteurs, c'est un peu comme les musiciens, c'est comme des amis. T'es des amis qui te racontent des histoires, qui t'expliquent des choses, qui t'emmènent dans un endroit où t'as jamais été, tu vois. Là, c'est comme ça, la musique. Enfin, moi, je pense comme ça. Alors, la littérature, la musique, c'est pas pareil, hein, mais il y a un peu ce côté où... Tu te racontes. Ouais, t'es ailleurs, t'as un autre monde, et puis... Tout me parle pas, mais il y a des trucs qui me parlent beaucoup. Je me suis surpris à te détester. Je me suis saoulé pour t'oublier. Réveillé par le mal de tête, le mal de mer des grandes tempêtes, l'estomac retourné par les nausées, l'impression de ne plus rien contrôler. Des bouteilles pour le moral, j'ai soigné le mal par le mal.

tragédie. Le monde est si grand et moi si petit. Rien qu'une seule tragédie. La vie ne tient qu'à un fil. On s'élève vers le ciel dans la chaleur du jour, sans réaliser que ce soir c'est notre tour de fermer les yeux sur tout ce qu'on a connu, de disparaître alors qu'on vient de naître. Animal éphémère, mobile et léger, ce n'est pas une raison pour te laisser couler. Alors avant de devenir poussière, souris à la vie tant que tu es sur terre. Une seule tragédie. Le monde est si grand et moi si petit. Rien qu'une seule tragédie. La vie ne tient qu'à un peu. Réfléchir à ce que j'ai fait de ma vie, j'ai tourné le dos à ceux qui avaient un prix. J'ai vécu sans aucun repère, sans jamais avoir vu la lumière. Alors quitte à me brûler les ailes, j'aurais préféré vivre comme ceux et celles qui savent profiter du moment présent. Car il ne dure qu'un instant, juste une de ma vie. Juste une seule nuit. La première, la dernière aussi. Je glope trottine sans aucun but, je slalom, je chute. Je déboussole du nord au sud, je rame, je lutte. Je déchante, je déjante, je dérange quand ça m'arrange. T'intériorise, je minimise. Tu somatises, je minimise. Tu banalises, je minimise, je crise. Et tu minimises. J'embrasse, j'embrasse, j'incendie, je pyromane. J'enflamme de plus en plus, je propage liane en liane. Je souris, je subis, je ne sais plus où je suis. T'intériorise, je minimise. Tu somatises, je minimise. Tu banalises, je minimise. Je crise. Et tu la puce à l'oreille, je me questionne. Je drague, je quête, je chasse à court, je ventre à terre. Je claque du bec, je suis à sec, je me ramasse à la cuillère. J'enrage dans mon château fort intérieur, je m'oubliette. J'intériorise, je minimise, je somatise, je minimise. Je banalise, je minimise, je crise, je minimise. Je somatise, je minimise, je banalise, je minimise, je le crie. Changer. Il ne faut pas